pas d'infanterie, pas de plaisanterie, que des bêtes de flow. Freestyle, troisième partie, bulle en pleine poitrine sur un bête de slow. C'est chaud, tout du bien s'installer dans le show. Hey, le 2-0 son mec, moi j'ai le niveau. Tous nos futurs rivaux finissent dans le caniveau. Animal insta au mic, on agit pire que des animaux. Mes textes sont trop lourds comme la putain de basse. Attention les hommes si vous êtes à la ramasse. Je te défends de tester ma zik. Quand on vient sur le beat, c'est pour vous amener un classique. Des rimes au plastique, c'est Bomberman. On attaque le mic avec la rage d'un Doberman. Prépare une bête de tête, pose sur une bête de tape. On gravit des échelons, tous les jours franchis des bêtes de step. Et t'inquiète, on est là pour un bout de temps. On bâtit un empire et un putain de mouvement. Trop technique sur le beat, je fume ce joint de shit. Mec, panique pas quand tu croises des sales schmites. Le rap est mort, mais vous êtes fous, qu'est-ce vous dites? Mais trop de MC prennent le mic pour une bite. Putain, évite et rentre vite. En face de toi, tu confrontes l'élite. Je vois que tu flippes, vas-y, change ton slip. Ah, grippe-toi et continue ta pipe. Hip-hop infanterie, pas la peine de test, on est trop haut. Street, lyriciste, pas là pour les putes ou le roro. J'manque pas au micro et je m'injecte la nitro. Toi, t'es qu'un mytho, ferme-la car t'as dit trop. On fait monter notre buzz, prépare notre bête de buzz. Au passage, j'place un petit big up pour Saint-Buzz. Mais toi, tu crois quoi? Moi, je rigole pas. J'suis un gogol qui s'affole sur la vodka. On doit être de taille, car pour ce freestyle, il nous détaille comme des bandes de racailles. Venu mettre notre peine et notre haine en chanson. Garçon, trop de phases, ça t'apaise comme du jazz. Pas besoin de place, comme tout le monde, je veux du pèse. Donc tu pèses un morceau pour pouvoir rouler. Toi l'accro, t'es trop défoncé, tu sais que penser. Trop perché pour parler, comme tous ces types. Faire un bête de clip, ramasser que du fric. Les tout deep qui sont sur ce putain de beat. Merci pour l'invite, mais j'évite les flics. Chaque jour, on me dit, ça me saoule, je veux me barrer. Je veux pas être un raté ou perdre la boule. Dans la foule, tout le monde se plaint, ça craint. Beaucoup de crétins évitent le train. J'ai pas su prévenir, car pas fini de grandir. Bah! Et les gars, vous êtes plus là, j'arrive pour un featuring. Longue durée, je suis un fou du ring. Foutre la merde comme le foot du roi. Scène de ses fulgurants, figurant tête de liste pour le trône. Je suis le futur roi, qui sait, peut-être qu'un jour je vais percer. Mon son vient te bercer dans ces quelques vers. Et je remercie ces PD qui sur moi ont voulu s'adosser. On cru que j'étais docile, maintenant je vais avancer. Tous vous ambiancer ou te faire un deuxième trou. On m'a oui, l'Egypte, tout, équipe de fou, on nique tout. Dédicace aux flics, art fou. J'm'arrête pas, c'est reparti. Tu la vois, de Saint-Buzz, ma patrie. Tu l'as dit, fini les cauchemars. Comment ça, le tien fait que commencer. Tu parles derrière nous, comme une connasse. J'suis un zoulou, saoulé par ces stars, adepte de cassoulet. Ou ces blacks en uniforme, c'est ça que c'est le volet.